Dans la musette, une maigre curée, les yeux de poussière noire, maquillée. C'est pas jour de fête, ni celui du curé. Au sortir de la cage, s'ouvre le fond, encore manger la terre, la lumière au front, casser la misère dans sa coque de charbon. Haveur, au pied de la taille, pique en main. Pour la bataille, y'a pas bonne mine, au fond de la mine. Y'a mine de rien, Germinal qui se casse les reins. Y'a pas bonne mine, au fond de la mine. Y'a mine de rien, Germinal qui se casse les reins. Noir, le fer de la pioche. Noir, le sapin qui écorche. Noir, le diamant dans sa veine. Noir, l'horizon de la déveine, flamme des bougies, danser, danser, petit canari, chanter, chanter, j'ai peur du grisou qui veut me manger, pour si peu de sous, faut beaucoup donner, flamme des bougies, danser, danser, petit canari, chanter, chanter, parfum de la nuit, quand vient la silicose, au fond du puits, ne pousse pas les roses, mine de crayon. Zola écrit le fond, par aisance, Galibot, ils m'ont appelé. Les bras de l'enfance, ils les ont volés, à pousser les barreaux, les yeux fatigués. Clape sur le tapis, femme à la maison, enlacée toujours par la peur d'explosion. Mariée à la misère, amour sans passion. La faim, pendue dans sa salle, colère levée. Pour la bataille, y'a pas bonne mine. Au fond de la mine, y'a mine de rien, Germinal qui se casse les reins. Y'a pas bonne mine, au fond de la mine, y'a mine de rien, Germinal qui se casse les reins. Rouge, le feu de l'étincelle. Rouge, le cri de la fraternelle. Rouge, le sang des fusillés. Rouge, de rage Michel Rondet. Flamme des bougies, danser, danser. Petit canari, chanter, chanter. J'ai peur du grisou qui veut me manger. Pour si peu de sous, faut beaucoup donner. Flamme des bougies, danser, danser. Petit canari, chanter, chanter. Parfum de la nuit, quand vient la silicose. Au fond du puits, ne poussent pas les roses. Mine de crayon, Zola écrit le fond. Noir, la poignée de main. Noir, la gueule du destin. Flamme des bougies, danser, danser. Petit canari, chanter, chanter. J'ai peur du grisou qui veut me manger. Pour si peu de sous, faut beaucoup donner. Flamme des bougies, danser, danser. Petit canari, chanter, chanter. Parfum de la nuit, quand vient la silicose. Au fond du puits, ne poussent pas les roses.